réalisé par Jean-Philippe Navarre. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez vous mettre au maraîchage, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour l'abattoir ou nous réécouter sur le tracteur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernière étape, anciens agriculteurs, la récolte de demain.